l'amour, ça fout le cœur. Je sais. On dit que ça revient. Nostalgie 60. Les 60s, comme si vous y étiez. Nostalgie. Nothing I can do. Don't try to spare my feelings. Just tell me that we're through. Will make me miss you less. Am you start crying too. My year is a day.

crazy crowd, come on, shout, shout, knock some out, come on, yell, yell, loud and swell, you gotta scream, scream, you know what I mean. Et qu'il va réchauffer son cœur, elle comprendra enfin combien j'étais fidèle, et elle viendra sécher mes pleurs. Sur mes carreaux, comme des milliers de larmes qui me rappellent que je suis seul en l'attendant. En écoutant la pluie, tout seul je pense à toi. Nostalgie 60. À écouter sur nostalgie.be. Nostalgie. Yeah.

pense que mon rêve de retrouver un peu du mois d'août sur tes lèvres de Paris. Les plus grands artistes des années 60. Learned to read her.

Nostalgie. Il est 3h.